la la la la la la la la la la la. Moi je connais les lignes de ta main, la chaleur et la courbe de tes reins. Moi je connais l'odeur de tes cheveux, jamais je n'oublierai la couleur de tes yeux. Moi je connais le dessin de ton dos, la douceur et les frissons de ta peau. Moi je connais ton sourire amoureux, jamais je n'oublierai la couleur de tes yeux. Mais dans un an ou deux, dans un an ou deux, dans un an ou deux, serai-je encore amoureux. Dans un an ou deux, dans un an ou deux, dans un an ou deux, serai-je encore amoureux. Moi je connais le charme de ta voix, ta façon de te blottir dans mes bras. Moi je connais le bonheur d'être deux, jamais je n'oublierai la couleur de tes yeux.